Petite Nina, récemment près de moi, à peine nos routes se croisent telles que déjà tu t'en vas. Petite Nina, tu as au fond de toi des questions et des choix, mais fais donc fi de tout ça. Petite Nina, non ne réfléchis pas, saisis la vie et l'amour tant qu'ils sont près de toi. Petite Nina, surnommée Aïda, Aïda Ndiaye, et sur toute la terre tu es chez toi. Ndiaye, une vie sans frontières, sans murailles, danse la vie où que tu Petite Ndiaye, partie de Versailles, les bras en éventail, l'Afrique, faites vos retrouvailles. Petite Aïda, de la Guinée au Ghana, dans ton ONG tu t'en vas, tu donnes beaucoup de toi. Petite Ndiaye, liberté en chandail, de l'Afrique à Versailles, tu es partout dans ton bercail. Petite Aïda, quand tu nous reviendras, tu nous raconteras ce tout là-bas qu'on ne connaît pas. Ndiaye, entre départ et retrouvailles, danse la vie où que tu ailles. Yeah.